petit, petit, petit Pinocchio. Des ailes, des ailes, des ailes, des ailes articulées. Un pied, un pied, un pied, un pied tout en haut. Et la tête recollée. Un petit, petit, petit, petit, petit Pinocchio. Des ailes, des ailes, des ailes, des ailes articulées. Fantastique, et dites-moi puisque vous êtes monsieur l'auteur. Tout cela m'étonne, je voudrais vous suivre parmi vos feuilles de cuir. J'aimerais tellement vivre comme un petit, petit, petit, petit, petit Pinocchio. Des ailes, des ailes, des ailes, des ailes articulées. Un pied, un pied, un pied, un pied tout en haut. Et la petit, petit, petit, petit Pinocchio. Des ailes, des ailes, des ailes, des articulées. Un pied, un pied, un pied, un pied tout en haut. Et la tête recollée. Et monsieur l'automne soudain déboutonne son gilet de velours gris. Il me dit regarde et surtout prends garde, c'est fragile et si. Il s'enfuit au petit, petit, petit, petit, petit Pinocchio. Des ailes, des ailes, des ailes, des ailes articulées. Un pied, un pied, un pied, un pied tout en haut. Et la tête recollée. Au petit, petit, petit, petit, petit Pinocchio. Des ailes, des ailes, des ailes, des ailes articulées.